Maman, l'usine avec un Z. Moi je sais pas ce que les gens veulent entendre. À vrai dire je m'en bats les Harry. J'amène ma taupe, tu vas sniffer, courir nu dans Paris. Allonge les billets pour que je continue de raconter mes conneries. Pendant petit et suce mon CD, ça fera de nous des hommes riches. J'ai plus de silex entre les doigts, mais des réflexes de bagarreur. En France je suis chez moi, je serais mieux chez moi ailleurs. Non t'as pas l'âge de nous fâcher, ici bas rien n'est parfait. Certaines palaves nous ont charmés. Si t'appelles la secte, c'est certain qu'on plie le truc. On prépare un plan de fils de pute, tu crois qu'on discute? Même, y'aura que des morts, l'usine sort de sa tombe. Monsieur le juge, pour ma défense, j'ai un fusil à pompe. J'arrive torse nu comme un narvalo sous la neige. J'crains ma mère, j'crains pas vos sortilèges. J'peux trébucher, mais pas tomber dans le piège. Que Dieu me préserve de tripoter une vierge. J'allume un cierge pour tous mes frères partis. Je t'aimais pas trop mais bon je compatis. Ta mère la pute, tu crois que tu parles à qui? On fait pas de bruit, on arrive tard la nuit. J'entends la mort danser dans cette batterie. Je ferme les yeux, je vois le diable qui sourit. Le flow est lourd, le texte est bien garni. Je suis un ancien comme les cartes Panini. C'est pas fini, j'attaque le beat de manière subtile. J'impose mon petit style au style, mais qui sont-ils? J'pars de ville en ville, je viens des îles, je viens les braquer, pour ça que je fais pas la file. J'ai la technique pour découper sec depuis 2-0-7. Je ressors avec un classique si je reste 2 heures au chiotte. Humanoïde solide, on pique pas du nez, on a serré les boulons. Je verrai la lumière s'allumer, je vais appuyer sur tous les boutons. Frérot, aujourd'hui les héros perdent. Il me faut des trucs mélodiques, des punchs qui percent le tympan et traversent le nerf optique. Je rappe des hiéroglyphes, je gratte des 06 avec des phases de terroristes. Numéro 10, qu'un de flèche couleur au pic. Ici le Z. Si le 16, casse la porte et fusille le club. Ça passe les frontières, qu'est-ce que tu me pompes l'air? On baise les concerts, écoute bien ce que je te dis. Je vais faire tout contraire, je suis dans le bunker. Parabellum Luger, prêt à toute heure. Maman, Zen avec un Z. Mon cœur danse avec la haine. Les quatre frères, j'amène, arrête la chaîne. Et moi c'est la même. Z. Palton North Face, collant sur la tête comme Ghostface. Roule un barreau de chaise, mes versets vont percer leurs prothèses. Je vais te faire une promesse, ma secte est bien préparée. Ils ont 24K sur le compte, ils se sont tous séparés. T'as pas la moelle, pourtant je suis comme un manchot qui chante faux. Je suis comme Balavoine, j'ai la cam qui passe par la douane. Comme une pilule dans ton gobelet de PD. Une fois que t'auras gobé tout ce que je stipule, je pourrais peut-être t'aider. Les aides ma signature, ils savent que je sais lire un contrat. Je les vois en miniature. Je plane car je n'ai pas de trompas. Je commets un crime au corps, je prends le chromier à cœur. Ça va cramer encore, je veux de la crème et un cœur avec aéroport. Sentence, la faucheuse, j'effrite matière rosseuse. J'affronte ces half-rites de manière moqueuse. Je découpe d'un geste le cigare. L'usine, la sexe, cigare. Je pute, charcute ta pute sur du James Digga.